Chapitre 6 De l'envie et de la vengeance. Il est des passions qui n'ont pas précisément de but et cependant remplissent une grande partie de la vie. Elles agissent sur l'existence sans la diriger et l'on sacrifie le bonheur à leur puissance négative. Car par leur nature, elles n'offrent pas même l'illusion d'un espoir et d'un avenir, mais seulement elles donnent le besoin de satisfaire l'âpre sentiment qu'elles inspirent. Il semble que de telles passions ne sont composées que du mauvais succès de toutes. De ce nombre, mais avec des nuances différentes, sont l'envie et la vengeance. L'envie ne promet aucun genre de jouissance, même de celles qui amènent du malheur à leur suite. L'homme qui a cette disposition voit dans le monde beaucoup plus de sujets de jalousie qu'il n'en existe réellement. Et pour se croire à la fois heureux et supérieur, il faudra juger de son sort par l'envie que l'on inspire. C'est un mobile dont l'objet est une souffrance, et qui n'exerce l'imagination, cette faculté inséparable de la passion, que sur une idée pénible. La passion de l'envie n'a point de terme, parce qu'elle n'a point de but. Elle ne se refroidit point, parce que ce n'est d'aucun genre d'enthousiasme, mais de l'amertume seule qu'elle s'alimente, et que chaque jour accroît ses motifs par ses effets. Celui qui commence par haïr inspire une irritation propre à faire mériter sa haine, qui d'abord était injuste. Les poètes se sont exercés sur tous les emblèmes de malheur qu'il fallait attacher à l'envie. Quel triste sort en effet que celui d'une passion qui se dévore elle-même, et poursuivie sans cesse par l'image de ce qui la blesse, ne peut se représenter une circonstance quelconque où elle trouverait du repos. Il y a tant de maux sur la terre, cependant, qu'il semblerait que tout ce qui arrive dans le monde doit être une jouissance pour l'envie. Mais elle est si difficile en malheur que s'il reste de la considération à côté des revers, un sentiment à travers mille infortunes, une qualité parmi des torts, si le souvenir de la prospérité relève dans la misère, l'envieux souffre et déteste encore. Il démêle, pour haïr, des avantages inconnus à celui qui les possède. Il faudrait, pour qu'il cessât de s'agiter, qu'il crût tout ce qui existe inférieur à sa fortune, à ses talents, à son bonheur même. Et il a la conscience, au contraire, que nul tourment ne peut égaler l'impression aride et desséchante que sa passion dominatrice produit sur lui. Enfin, l'envie prend sa source dans ce terrible sentiment de l'homme, qui lui rend odieux le spectacle du bonheur qu'il ne possède pas, et lui ferait préférer l'égalité de l'enfer ou gradation dans le paradis. La gloire, la vertu, le génie viennent se briser contre cette force destructive. Elle met une borne aux efforts, aux élans de la nature humaine. Son influence est souveraine, car qui blâme, qui déjoue, qui s'oppose, qui renverse, qui se saisit enfin de la force destructive finit toujours par triompher. Mais le mal que l'envieux sait causer ne lui compose pas même un bonheur selon ses vœux. Chaque jour, la fortune ou la nature lui donne de nouveaux ennemis. Vainement, il en fait ses victimes. Aucun de ses succès ne le rassure. Il se sent inférieur à ce qu'il détruit. Il est jaloux de ce qu'il immole. Enfin, à ses yeux même, il est toujours humilié et ce supplice s'augmente par tout ce qu'il fait pour l'éviter. Il est une passion dont l'ardeur est terrible, une passion plus redoutable dans ce temps que dans tous les autres, c'est la vengeance. Il ne peut être question de bonheur positif obtenu par elle, puisqu'elle ne doit sa naissance qu'à une grande douleur, qu'on croit adoucir en la faisant partager à celui qui l'a causée. Mais il n'est personne qui, dans diverses circonstances de sa vie, n'ait ressenti l'impulsion de la vengeance. Elle dérive immédiatement de la justice, quoique ses effets y soient souvent si contraires. Faire aux autres le mal qu'ils vous ont fait se présente d'abord comme une maxime équitable. Mais ce qu'il y a de naturel dans cette passion ne rend ses conséquences ni plus heureuses ni moins coupables. C'est à combattre les mouvements involontaires qui entraînent vers un but condamnable que la raison est particulièrement destinée, car la réflexion est autant dans la nature que l'impulsion. Il est certain d'abord qu'on soutient difficilement l'idée de savoir heureux l'objet qui vous a plongé dans le désespoir. Ce tableau vous poursuit, comme par un mouvement contraire. L'imagination de la pitié offre à la peinture des douleurs qu'elle excite à soulager. L'opposition de votre peine et de la félicité de votre ennemi produit dans le sang un véritable soulèvement. Ce qu'on a le plus de peine aussi à supporter dans la fortune, c'est l'absorption, la fixation sur une seule idée et tout ce qui porte la pensée au-dehors de soi, tout ce qui excite à l'action, trompe le malheur. Il semble qu'en agissant, on va changer la situation de son âme, et le ressentiment ou l'indignation contre le crime étant d'abord ce qui est le plus apparent dans sa propre douleur, on croit, en satisfaisant ce mouvement, échapper à tout ce qui doit le suivre. Mais en observant un cœur généreux et sensible, on découvre qu'on serait plus malheureux encore après s'être vengé qu'auparavant. L'occupation où l'on est de son ressentiment, l'effort qu'on fait sur soi pour le combattre, remplit la pensée de diverses manières. Après s'être vengé, l'on reste seul avec sa douleur, sans autre idée que la souffrance. Vous rendez à votre ennemi, par votre vengeance, une espèce d'égalité avec vous. Vous le sortez de dessous le poids de votre mépris. Vous vous sentez rapproché par l'action même de punir. Si l'effort que vous tenteriez pour vous venger était inutile, votre ennemi aurait sur vous l'avantage, comprend toujours sur les volontés impuissantes, quelle qu'en soit la nature et l'objet. Tous les genres d'égarements sont excusables dans les véritables douleurs, mais ce qui démontre cependant combien la vengeance tient à des mouvements condamnables, c'est qu'il est beaucoup plus rare de se venger par sensibilité que par esprit de parti ou par amour-propre. Les âmes généreuses, qui se sont abandonnées à des mouvements coupables, ont fait un tort immense à l'ascendant de la moralité. Elles ont réuni à des torts graves des motifs élevés, et le sens même des mots s'est trouvé changé par les pensées accessoires que leur exemple y a réunies. Le même terme exprime l'assassinat de César et celui d'Henri IV, et les grands hommes qui se sont cru le droit de faire plier une loi de la moralité devant leurs intentions sublimes ont fait plus de mal par la latitude qu'ils ont donné à l'idée de la vertu, que les scélérats méprisés dont les actions ont exalté l'horreur qui inspire le crime. Enfin, par quelque motif qu'on se croit excité à la vengeance, il faut répéter à ceux qui voudraient s'y abandonner, non pas qu'ils n'y trouveraient pas de bonheur, ils ne le savent que trop, mais il faut leur répéter qu'il n'est point de fléau politique plus redoutable. Cette passion pourrait perpétuer le malheur depuis la première offense jusqu'à la fin de la race humaine, et dans les temps où les fureurs des partis ont emporté tous les hommes dans tous les sens au-delà des bornes de la vertu, de la raison et de même, les révolutions ne cessent que quand chacun n'est plus agité par le besoin de prévenir ou d'éviter les effets de la vengeance. On se persuade que la crainte d'être puni peut empêcher les hommes violents de se porter à de certains excès. Ce n'est pas du tout connaître la nature de l'emportement. Quand on est criminel de sang-froid, comme on calcule toujours, tels périls, tels obstacles de plus peuvent arrêter. Mais les hommes passionnés qui se précipitent dans les révolutions sont irrités par la crainte même, si l'on parvient à leur faire éprouver. La peur excite les caractères impétueux au lieu de les contenir. Il est une réflexion qui devrait servir de guide à ceux qui se mêlent des grands débats des hommes entre eux. C'est qu'ils doivent considérer leurs ennemis comme étant de leur nature. Il y a malheureusement de l'homme jusque dans le scélérat. Et l'on ne se sert jamais, cependant, de la connaissance de soi pour s'aider à deviner un autre. On dit qu'il faut contraindre, humilier, punir, et l'on sait néanmoins que de pareils moyens ne produiraient dans notre âme qu'une exaspération irréparable. On voit ses ennemis comme une chose physique qu'on peut abattre, et soi-même comme un être moral que sa propre volonté seule doit diriger. S'il est une passion destructive du bonheur et de l'existence des pays libres, c'est la vengeance. L'enthousiasme qu'inspire la liberté, l'ambition qu'elle excite, met les hommes dans un plus grand mouvement, fait naître plus d'occasions d'être opposés les uns aux autres. L'amour de la patrie l'emportait tellement chez les Romains sur toute autre passion que les ennemis servaient ensemble et d'un commun accord les intérêts de la République. Si la vengeance n'est pas proscrite par l'esprit public dans une nation, où chaque individu existe de toute sa force personnelle, où le despotisme ne comprimant point la masse, chaque homme a une valeur et une puissance particulière. Les individus finiront par haïr tous les individus, et le lien de parti se rompant à mesure qu'un nouveau mouvement crée de nouvelles divisions, il n'y aura point d'homme qui n'ait, après un certain temps, des motifs pour détester successivement tout ce qu'il a connu dans sa vie. Certes, le plus bel exemple qui pût exister de renonciation à la vengeance, ce serait en France, si la haine cessait de renouveler les révolutions, si le nom français, par orgueil et par patriotisme, ralliait tous ceux qui ne sont pas assez criminels pour que le pardon même ne fût pas cru de leur propre cœur. Sans doute, ce serait un héroïque oubli. Mais il est tellement nécessaire que, même en jugeant son étonnante difficulté, on a besoin de l'espérer encore. La France ne peut être sauvée que par ce moyen, et les partisans de la liberté, les amateurs des arts, les admirateurs du génie, les amis d'un beau ciel, d'une nature féconde, tout ce qui sait penser, tout ce qui a besoin de sentir, tout ce qui peut vivre, enfin de la vie des idées ou des sensations fortes, implore à grand cri le salut de cette France.